Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, très heureux de vous retrouver et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans l'émission Stéphane Godet. Bonjour Stéphane Godet. Bonjour Thierry. Alors, vous avez été administrateur d'ensemble classique, vous faites de la radio, vous êtes un homme de culture. D'ailleurs, vous vous intéressez à la culture sous tous ses aspects, que ce soit la musique classique qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, la musique classique, mais aussi le cinéma et la littérature et la peinture. Vraiment, vous êtes un homme... Tout l'urbanisme, l'architecture aussi. Voilà, un homme de culture très complet. Alors, pour vous présenter quand même à nos auditeurs, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est un administrateur d'ensemble musical ? Alors, un administrateur d'ensemble musical, en général, c'est celui qui fait à peu près tout ce que le musicien ne fait pas. C'est-à-dire ce que le chef d'orchestre ou le chef de chœur ne fait pas. C'est-à-dire, il peut s'occuper de gestion, de communication, d'organiser des concerts, de vendre des concerts, etc., etc., etc. Tous les aspects qui sont pas purement artistiques. Mais quand même, il faut qu'il ait une connaissance du fonctionnement de ce qu'est un artiste, comment il fonctionne un peu dans sa tête, parce que sinon, ce serait un peu compliqué d'assumer ses missions, quoi. Donc, c'est un peu le rôle d'un agent artistique, en quelque sorte. Il peut être agent, dans la mesure où s'il vend lui-même les concerts, il a un petit peu un rôle d'agent. Oui. Moi, j'ai toujours travaillé dans des petites structures où j'étais ou tout seul ou à deux ou trois. Donc, c'est vrai que j'assume un petit peu toutes les fonctions. Alors, la musique classique, c'est important pour vous. Comment l'avez-vous découverte ? Alors, j'ai découvert très tôt. Je sais pas, ça m'est venu un peu comme ça. Je suis pas du tout né dans un milieu musical. Mm-hmm. Mes parents avaient, ma mère avait deux, trois disques. Les valses de Rubinstein, des trios de Dvorak, et puis les valses de Chopin, pardon, par Rubinstein. C'est le plus vieux disque vinyle que j'ai encore d'ailleurs à la maison. Et c'est à peu près comme ça. Puis c'est né comme ça. Ma mère a observé à un moment donné que ça m'intéressait, que ça me passionnait, que j'écoutais, etc. Mm-hmm. Et voilà, elle se dit tiens, c'est intéressant. Et dans ma famille, il y avait une pianiste qui était au conservatoire du Luxembourg d'ailleurs. Mm-hmm. Et voilà, je suis arrivé un peu au piano comme ça. Mais vers 3-4 ans déjà, j'étais attiré par la musique, les instruments. Ouais. Je sortais les casseroles des armoires, je jouais des percussions avec les casseroles, etc. Donc je suis né avec ça, je crois. Et puis donc ensuite, vous avez bifurqué vers l'orgue, plus ou moins. Alors j'ai commencé par le piano quand même pendant 5-6 oui, ans. Comme tout organiste. Plus tard, j'ai fait de l'orgue. Mmh. J'étais d'ailleurs en classe d'orgue avec Pierre Cortellezzi à Nancy. Mmh. Et puis plus tard, j'ai fait du chant aussi. En école de musique et puis en cours particulier. Bien. Donc, on va découvrir ce matin votre programmation musicale, puisque comme à chaque fois que j'ai un invité, je lui demande de concocter le programme. Et vous avez choisi une œuvre sacrée pour commencer l'émission, la Petite Messe de Solennelle de Rossini, qui est un péché de vieillesse du maître. Alors, pourquoi ce choix ? Alors, cette Petite Messe, on l'a montée avec le Chœur Régional Vittoria d'Île-de-France, dont j'étais administrateur. Mmh. On l'a tournée un petit peu partout en Île-de-France. Moi-même, je l'ai chantée avec un chœur à Paris, le Chœur du Marais. Avec Michel Picmal qui avait accepté de chanter la partie de baryton. Et puis c'est une œuvre, je trouve que c'est magnifique. C'est assez long, ça dure 1h45 à peu près. Ouais. Mais c'est magnifique, c'est presque un opéra en tant que tel. Il y a des variations de climat absolument incroyables. Mmh. Puis il y a cette partie là que je vous ai suggérée, qui quand on le dirige, certains chefs d'orchestre, chefs de chœur, ça peut sonner presque comme du jazz, quoi. Ça pulse, quoi. Bien, bon, on va en écouter un extrait, le Sancto Spiritu avec le Rias Kammerchor dirigé par Marcus Creed. Thank you. extrait de la petite messe solennelle de Rossini avec le Rias Kammerchor direction Marcus Creed. C'est le choix de mon invité, Stéphane Godet. Stéphane Godet, on a parlé de votre rôle autrefois d'administrateur de l'ensemble du chœur Vitoria d'Île-de-France. Alors c'est un chœur qui est très important, c'est un chœur professionnel ou semi-professionnel ? À la base, c'est un chœur d'amateur de haut niveau, ouais. Auquel s'ajoutent des professionnels pour certaines productions. Mais en général, oui, il y a des professionnels qui viennent renforcer les effectifs les plus réduits, souvent les ténors, les altos, etc. Et puis les solistes sont professionnels. Et voilà. Mais à la base, le cœur du cœur, j'allais dire, c'est des amateurs. D'accord. Encadrés par des professionnels auxquels s'ajoutent des professionnels. Mais avant le Vitoria, il faut que je parle quand même du cœur Microcosmos, peut-être, à moins qu'on en parle plus tard. Mais non, on peut en parler, mais bien sûr. Voilà, c'est le cœur avec lequel j'ai commencé, le cœur de chant Microcosmos, qui fait du répertoire 20e, 21e siècle. Mm-hmm. Là aussi, alors là, c'est pré ou semi-professionnel, parce que c'est tellement haut niveau. Et puis beaucoup des chanteurs sont devenus ensuite soit compositeurs, soit chanteurs eux-mêmes, professionnels, etc. Puis je mentionne Loïc Pierre, qui est le chef fondateur, directeur artistique. Mmh. Et c'est un chant choral un peu différent parce que il fait beaucoup de mise en scène, il y a beaucoup de travail avec le cinéma, avec le théâtre. Mmh. Et c'est un chœur maintenant qui tourne partout, même dans le monde entier, qui se produit même à l'étranger. Ouais, chœur Microcosmos. Alors on va continuer à découvrir votre programmation musicale et vous avez choisi le concerto en sol de Maurice Ravel, le final. Alors vous parliez de la petite messe solennelle de Rossini avec son côté, ses reflets un peu jazzy. On peut dire la même chose pour ce final du concerto en sol de Ravel. Là pour le coup oui, même encore plus parce que Rossini c'est la direction qui permet ça, enfin l'œuvre le permet puis la direction aussi. Qui impulse ou pas quelque chose. Et là, vraiment, dans Ravel, oui, on a ces influences, clairement. Mmh. On peut faire un lien aussi avec le film qui est sorti, La Boléro. Oui, vous avez aimé, je crois. Alors, le film, je ne l'ai pas vu, pour tout dire. Je n'ai pas vu le film. J'ai cru comprendre. Non, j'ai pas vu le film. Mais j'irai le voir. Mmh. Là, il passe plus, malheureusement, à Nancy. Mais j'irai le voir si j'ai l'occasion d'aller à Paris, là. Mais oui, là, on a l'influence, clairement, de Ravel. Ouais. Du jazz, par exemple. Par contre, dans la musique de Ravel, pardon. Voilà. On va en écouter donc le final de ce concerto en sol. Vous avez choisi une version prestigieuse, hein, celle d'Arturo Benedetti Michelangeli, avec le Philharmonia Orchestra dirigé par Ettore Gratzis. Thank you. Le final jazzy du concerto en sol de Maurice Ravel, interprété au piano par Arturo Benedetti Michelangeli, et le Philharmonia Orchestra dirigé par Ettore Gratzis, toujours la programmation de mon invité d'aujourd'hui, Stéphane Godet. Alors Stéphane Godet, vous avez aussi choisi Shostakovich, compositeur évidemment de l'ère soviétique, grand compositeur de son époque. Shostakovich qui a composé pour le cinéma, et finalement on retrouve un peu là votre passion de cinéphile. Oui, alors de cinéphile, je sais pas, je dirais que j'aime le cinéma, mais je suis pas cinéphile, c'est-à-dire quand je regarde un film, je découpe pas les plans et tout ça. Je regarde vraiment j'aime bien le cinéma, mais je me qualifierais pas de cinéphile. Par contre, oui, la musique au cinéma, ça m'intéresse beaucoup, oui. Mm-hmm. Oui. Oui, la musique classique est très très souvent utilisée au cinéma. C'est un bon vecteur de démocratisation. Je sais que le mot plaît pas trop, mais c'est quand même un peu vrai. Et pour les bandes originales, souvent des compositions très très intéressantes. Est-ce que la musique classique, finalement, la musique de cinéma, c'est pas aujourd'hui un peu incontournable quand on écrit de manière un peu classique, justement? Je ne sais pas. Alors, je suis pas sûr que les jeunes qui se forment aujourd'hui au conservatoire, par exemple, aient beaucoup de débouchés dans la musique de films. Mm-hmm. C'est quand même assez compliqué. Par contre, pour en revenir à la première partie de ce que vous disiez, c'est vrai que beaucoup de compositeurs se sont inspirés de compositeurs classiques. Il suffit d'écouter les musiques de John Williams, par exemple, mm-hmm. ou de plein d'autres. Donc j'ai pas forcément les noms qui me reviennent en tête immédiatement, mais voilà, qui sont beaucoup inspirés de on peut parler de Korngold aussi, qui a composé des musiques de films, ouais. qui lui est un musicien classique mm-hmm. pur et qui a fait de la musique de film. Mm-hmm. Voilà. Et d'ailleurs la première musique de film a été composée par Saint-Saëns, l'assassinat du duc de Guise. Ah bah voilà, dans les premières années du XXe siècle. J'ai bien fait de venir. Bon, et quels sont les réalisateurs qui vous touchent le plus, ceux qui vous intéressent le plus? Dans ceux d'aujourd'hui, par Alors, exemple, mais pas même trop, du passé. Je suis pas trop dans les réalisateurs d'aujourd'hui. Alors Stéphane Brisé, par exemple, j'aime mm-hmm. bien pas tous ses films, mais mm-hmm. Aussi un Xavier Nolan, mm-hmm. Dolan par exemple. Dolan, c'est ça? Dolan, ouais, pas Nolan, ouais. Dolan. Je regrette qu'il ait arrêté, enfin qu'il ait suspendu sa carrière pour l'instant, mais voilà, ça c'est un réalisateur québécois, canadien, mm-hmm. québécois, qui m'intéresse beaucoup, ouais. Alors on va écouter la suite de votre programme, et donc Shostakovich, je le disais, un concerto pour piano, et là je reconnais justement le pianiste chez vous qui évidemment offre une place prépondérante à son instrument quelque part. Ben oui, c'est pas par hasard que j'ai fait du piano. Oui. Et puis c'est toujours resté, même quand j'ai fait de l'orgue, la base c'est quand même le piano. Mmh. Et puis quand on fait du chant, ben on travaille aussi au piano. Alors on va écouter un extrait donc du deuxième concerto pour piano de Shostakovich, dans l'interprétation, je pense, magnifique, parce que je la connais pas, d'Elisabeth Leonskaya, très très grande pianiste, avec le Saint Paul Chamber Orchestra dirigé par Hugh Wolf. Un extrait du deuxième concerto pour piano de Dimitri Shostakovich, avec au piano Elisabeth Leonskaya et le Saint-Paul Chamber Orchestra, dirigé par Hugues Wolf. Je suis toujours en compagnie de Stéphane Godet, qui nous présente sa programmation musicale ce matin. Stéphane, vous faites aussi de la radio sur une radio amie de Radio Fadjet, c'est Radio Déclic à Toul. Oui, tout à fait. Et donc, qu'est-ce que vous proposez comme type d'intervention ? Alors moi, je ne fais pas d'émission comme vous, mais je vais plutôt interviewer des artistes ou des organisateurs d'expositions. Mmh. Voilà, je vais plutôt au contact des artistes pour mettre en valeur des festivals, des concerts, des expositions, etc. Qu'une émission en tant que telle. C'est pour ça que vous m'aviez dit que vous préfériez être intervieweur qu'être interviewé. Oui, je suis pas très à l'aise en fait à votre place. C'est pas toujours évident de parler de soi. À la place de celui qui pose des questions et qui laisse parler l'autre. Bien sûr. On va écouter encore votre programmation, mais là encore du piano. Hein. Frédéric Chopin, compositeur pour vous, qui vous est cher. Oui, fétiche. J'en ai travaillé un peu. C'est pas facile de jouer Chopin. Quelques années de pratique, mais j'en ai quand même travaillé un peu. Hier, j'écoutais l'étude, le palon près du numéro 20, qui est extraordinaire, qui était réutilisé dans la chanson d'ailleurs, qui arrivait même jusqu'au disco. Et c'est sublime. Et alors cette exploitation d'un beat classique, je vais pas dire ce pillage, hein, c'est quelque chose qui vous indigne ou vous trouvez que c'est une façon d'apporter la musique classique à d'autres qui ne la connaissent pas? Gainsbourg l'a fait très bien, et puis d'autres aussi. Bon, parfois on sait pas d'où ça vient. Il y a même un artiste qui a composé une chanson, il savait même pas que c'était le deuxième concerto de Rachmaninoff. Il a découvert après coup qu'en fait là il pillait sans le savoir le deuxième concerto de Rachmaninoff. Oui, c'est toujours le problème, faut que les crédits soient indiqués sur la pochette des disques, c'est quand même la moindre des choses. Et Gainsbourg, on le sait, a beaucoup utilisé la musique classique. Chopin, Brahms, Grieg. Allez, on va continuer avec donc Chopin, la Barcarolle. Alors ça, c'est une œuvre qui est très chère aux spécialistes de Chopin. En général, si on demande une œuvre fétiche à un artiste ou un mélomane qui aime particulièrement Chopin, il va citer la Barcarolle en premier lieu. Moi, je citerai pas forcément la Barcarolle, mais c'est vrai que j'ai essayé de jouer les scherzo, le deuxième scherzo notamment, mais la Barcarolle, c'est magnifique, ça c'est sûr. Vous êtes déjà allé loin parce que c'est difficile, ça. J'ai travaillé longtemps. Oui, j'imagine. Donc on va écouter la Barcarolle jouée par Martha Argerich. Je voulais dire un mot sur Martha Argerich. Alors Martha Argerich, c'est vrai que c'est une légende vivante. Je l'ai entendue une seule fois, moi, en concert à Londres. J'en garde un souvenir impérissable. Et j'ai jamais pu la réentendre parce que soit c'est complet, soit c'est hors de prix, soit voilà. Mmh. Donc c'est compliqué, mais elle donne encore beaucoup de concerts. Donc faut pas hésiter à aller l'écouter. Mais malheureusement, elle joue plus en récital solo et plutôt en concerto ou en musique de chambre. La Barcarolle opus 60 de Frédéric Chopin, interprétée par Martha Argerich, le choix de mon invité Stéphane Godet. Stéphane Godet, quelle est la place que tient le disque dans votre vie? Ben à la base c'était très important parce que moi j'avais pas forcément accès aux concerts, donc disons que l'intérêt pour la musique classique, l'amour pour la musique classique, ça passait quand même par le disque. D'abord le vinyle et puis après quand les CD sont sortis, c'est vrai que là c'était formidable. Mm-hmm. Donc j'ai été un comme beaucoup à fréquenter un acheteur compulsif, la Fnac, etc. Mm-hmm. Compulsif, oui, dans la mesure de aussi de mes moyens, mais oui, c'était, j'ai passé beaucoup de temps à chercher, puis surtout les bonnes versions, les versions de référence. J'ai eu la chance de travailler un peu à Londres et c'est vrai que j'allais dans cet immense magasin Tower Records là, et puis je feuilletais le Deutsche Grammophon, enfin les références, c'était pas le bouquin, s'appelait, je sais plus quoi, des Grammophones, pardon. Mmh. Pas Deutsche Grammophon, Grammophone, et je cherchais les références. C'était le plaisir, c'était de trouver la bonne référence. Ouais. Pour telle ou telle œuvre. Voilà. Vous m'aviez dit hors micro que vous étiez satisfait finalement que le vinyle revienne. Pour vous, c'est une bonne nouvelle, le micro-sillon. Dans le classique, je trouve, je regrette la chaleur du son des vinyles. Mm-hmm. La possibilité de revenir aussi, d'avoir ce choix, de pouvoir acheter aussi une œuvre en vinyle et de la écouter aussi en vinyle, je trouve que c'est une bonne chose. Mm-hmm. Et peut-être que par le biais du vinyle, on reviendra au support physique. Parce qu'on parlait du streaming, bon, c'est une chose le streaming, mais c'est une autre approche. On va expliquer ce qu'est le streaming. C'est donc l'écoute en ligne. Voilà. Qui fait qu'on a accès quasiment gratuitement, mm-hmm. parce qu'on n'est même pas obligé de s'abonner à toute la musique qui existe, enfin, qui a été. Qui se retrouve sur les serveurs, quoi. Mm-hmm. Mais bon, c'est une autre approche de la musique, c'est ce qui se rapproche plus à la consommation de la musique. Ouais. Et puis c'est un problème que j'ai un peu du mal, c'est avec ce terme de consommation culturelle, le mot consommation. Ouais. Pour vous, c'est un oxymore, quoi. Oui. Donc, on parlait du micro-sillon. C'est vrai que le micro-sillon, en plus, il y avait les notices. Les notices qui étaient beaucoup plus faciles à lire, qui présentaient les œuvres. Complètement, il y a de belles pochettes, de belles notices. Et puis l'odeur de la pochette. Il y avait l'odeur des pochettes. Voilà. Et le plaisir de sortir la galette, de la manipuler avec, précaution. Avec beaucoup de précaution, beaucoup d'attention. Alors, vous avez choisi de nous faire écouter un extrait du Requiem de Verdi. Alors, pourquoi cette œuvre? Je l'ai entendu la première fois. Pareil, c'était à Londres, Royal Albert Hall, mm-hmm. dans cette salle immense, et c'était avec une partie des solistes qu'on va entendre là. Et c'est tout simplement extraordinaire. Alors c'est une œuvre sacrée, mais en tant que tel, c'est un opéra. C'est le plus bel opéra de Verdi, c'est ce qu'on dit. Et voilà, donc je pouvais pas. Voilà. C'est important de le passer. Mmh. On va en écouter un extrait, le Dies Irae, avec le chœur et l'orchestre symphonique d'Atlanta, dirigé par Robert Shaw. Thank you. Un extrait du Requiem de Giuseppe Verdi, le Dies Irae, avec le chœur et orchestre symphonique d'Atlanta, dirigé par Robert Shaw. Toujours le choix de mon invité Stéphane Godet, homme de radio, homme de culture et ancien administrateur des chœurs Microcosmos et du chœur Vitoria d'Île-de-France. Vous avez été organiste et c'est bizarre dans votre programmation, il n'y a pas d'orgue. Oui, c'est ce que je me suis dit après coup, mais enfin, on n'a qu'une heure, alors on ne peut pas tout mettre. Et je cherchais des œuvres qui me plaisent et qui ne soient pas trop longues. Mmh. Et ce n'est pas forcément évident, chercher dans Bach, chercher dans... Après, les œuvres romantiques, c'est très long. Donc voilà, il fallait faire des choix. Et bon, c'est venu comme ça. Il n'y a pas de volonté d'écarter l'orgue. Voilà, mais il y a une prépondérance quand même du piano. On sent que c'est l'instrument avec lequel vous avez étudié la musique. Et là, on va retrouver encore de la musique russe. On a écouté Shostakovich tout à l'heure. Rachmaninov, le premier concerto pour piano. Alors, dites-nous comment vous avez découvert ce concerto de Rachmaninov. Bah, je crois comme beaucoup, par apostrophe. C'est-à-dire, j'écoutais la musique d'apostrophe, ça me fascinait. Je savais pas ce que c'était. Je devais être, je sais pas quel âge j'avais, 12 ans, 13 ans, 11 ans, je sais plus. Et puis... On va rappeler que c'était l'émission littéraire de Bernard Pivot. L'émission littéraire de Bernard Pivot, évidemment. Et qu'on regardait religieusement le soir, le vendredi soir. Et puis ce mouvement, premier mouvement là, le début qui me fascinait. Et j'ai appris plus tard ce que c'était. Puis à partir de là, bah, j'ai essayé de trouver les moyens d'acheter ce disque. C'était Ashkenazi à l'époque avec Previn. Là, c'est une autre version qui est très belle, magnifique, avec Pletnev. Mais voilà, c'est comme ça que j'y suis arrivé. Puis après, bah, Rachmaninov, les autres concertos, etc., etc. Puis la suite. Allez, on va écouter donc le début du concerto pour piano numéro 1 de Rachmaninov, version de Mikhail Pletnev avec le Philharmonia Orchestra dirigé par Libor Pezek. Thank you. un extrait du premier concerto pour piano de Rachmaninov avec Miguel Pletnev, le Philharmonie Orchestra Libor Pezek, le choix de mon invité, donc Stéphane Godet, et vous avez choisi de terminer encore par Rachmaninov avec un autre concerto, une version historique, Horowitz, New York Philharmonique, Ormandie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors là, c'est une version, juste pour expliquer, dans cette version, il y a des pins, ce qu'on appelle des pins, c'est-à-dire qu'il y a parfois des fautes, mais c'est tellement extraordinaire que ça vaut le coup d'écouter cette version qui est un live. Hein. Ouais, et c'est vrai qu'Horowitz était associé très souvent à ce concerto de Rachmaninov, le troisième. Il était très âgé à l'époque, hein, mais c'est extraordinaire. On peut le voir aussi en vidéo, enfin sur YouTube, on peut voir cet enregistrement aussi. Oui, alors donc les concertos pour piano, les opéras de Rachmaninov, ça vous intéresse aussi ? Vous les connaissez ? Vous les aimez ? Pas non, trop ? Très mal. Très mal. À l'écho, etc. À l'écho, non, très mal. Il y a des choses vraiment aussi intéressantes dans ce domaine. Et sa musique sacrée aussi. Sa musique sacrée, les vêpres et tout ça. Les vêpres. Voilà. Alors on va écouter le final donc de ce concerto numéro 3 de Rachmaninov, Vladimir Horowitz, le New York Philharmonic, direction Jeanne Normandie. enregistré en public à New York. C'était donc le final du troisième concerto pour piano de Rachmaninov avec Vladimir Horowitz et le Philharmonique de New York, direction Eugène Ormandy. Le choix de mon invité, Stéphane Godet. Ça décoiffe, hein, cette version. C'est moi, incroyable. Ça me donne la chair de poule, pourtant je l'en compte. Souvent écouté, mais rien que là encore, ça me donne la chair de poule. Ouais, bien sûr. Eh bien, merci d'être venu nous parler de votre passion pour la musique classique, nous avoir établi ce beau programme. Et merci à vous. Donc, on précise à nos auditeurs qu'on peut vous retrouver de temps à autre sur Radio Déclic pour des chroniques culturelles. Tout à fait. Mais sur mon blog aussi. Et sur votre blog. Oui. Donc, blog voilà. StéphaneGodet.com, voilà. Voilà. .com. Ben, merci beaucoup. Et puis, ben voilà, on se retrouve demain avec une nouvelle émission de Discothèque Classique. Bon samedi à toutes et à tous. Et à demain!